C'est fou. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Télévision, l'aventure française des recettes pompettes est lancée. En plus, Eric Salvaille vient de perdre ce soir tout est permis, comme quoi rien ne se perd, rien ne se crée. Dans le segment Geek, Célix, fermez les applications sur votre iPhone pour économiser la batterie, ne sert à rien. Moi, je préfère quand mon iPhone fait planter des applications pour moi, c'est pas mal plus rapide. Et dans Merci Science, un jour, il sera possible d'améliorer votre mémoire. Oh, Mathieu Planchot, tout de suite. Et voici celui qui ne se rappelle pas toujours de son nom au complet, Mathieu! Bonjour et bienvenue au Mathieu Planchot avec Mathieu Planchot. Je m'appelle Mathieu Planchot, oui, je m'en suis souvenu entre-temps. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 14 mars 2016, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science, le segment geek, CNX, et à la toute fin, c'est un fait Tech Edition. Pour commencer l'émission, on écoute un peu de musique chiptune comme on le fait toujours, c'est-à-dire inspiré par les jeux vidéo ou encore créé à partir de consoles de jeux vidéo. Et on débute avec une pièce d'un groupe que j'adore, un de mes groupes de chiptune préférés jusqu'à maintenant dans le Mathieu Planchot, c'est The J. Arthur Keen's Band. Voici OK tout de suite sur C'est fou 89. Le J. Arthur Keane's Band avec OK sur l'album World's Smallest Violin EP au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est Television Television. C'est Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision, bien sûr, les nouvelles qui ont marqué le monde du divertissement télévisuel depuis les 7 derniers jours. Donc, on a le Québec, on a le Canada, on a le reste du monde et on a Internet à faire à toute fin. Commençons par le Québec avec la nouvelle par rapport à l'émission Recette Pompette. L'aventure française est lancée, nous dit-on, hein? Un jour. J'imagine que l'article va ouvrir. J'ai essayé d'ouvrir tout en même temps, comme je fais toujours. Je suis de même, je fais les choses à la dernière seconde. Il faut pas trop m'en vouloir. Donc, le tournage de la version française des recettes pompettes d'Éric Salvaille s'est amorcé en France. Depuis quelques jours, les caméras sont allumées sur le plateau de la série de 8 épisodes destinés au web. Ce projet emballe l'animateur et producteur Éric Salvaille, qui dit, je cite, « Je suis plus qu'heureux qu'un format original créé de toutes pièces par notre équipe ait réussi à traverser l'océan pour se faire voir en France. C'est la première vente de format original de sa compagnie. » L'émission Les recettes pompettes en France est animée par Monsieur Poulpe, un artiste à tout faire qui touche à l'humour, à la rédaction télé, à la musique et aux jeux. Certains internautes le connaissent en tant que Miss Météo à Canal+. Produite par la compagnie Salvaille & Co et la chaîne V, la version offerte dans l'Hexagone sera grâce au studio Bagel, membre du groupe Canal+, qui en a acheté les droits en 2015. En quelques jours, Éric Salvaille a donc été témoin des débuts concrets du projet des recettes pompettes en France, mais il a aussi appris qu'une de ses émissions allait bientôt franchir la ligne d'arrivée au Québec. Parce que ce soir, tout est permis. Justement, l'article suivant en parle. Ben, c'est terminé. Éric Salvaille perd son rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de V. Ce soir, tout est permis n'aura pas droit à une troisième saison, peut-on lire sur la page Facebook. La raison de l'arrêt n'a pas été dévoilée. Finis donc les défis originaux d'improvisation, de mime, de lip-sync, de danse et de contorsion dans un décor penché qui était présenté les lundis à 20h et qui ralliait plus de 600 000 téléspectateurs. Les épisodes de la première saison sont présentement rediffusés à Musique Plus les samedis soirs. C'est pas écrit dans cet article-là, je l'avais vu sur un autre article. Je crois qu'il avait commencé dans le coin des 800 000 dans la première saison et seulement 600 000 vers la fin, donc une chute de 200 000 téléspectateurs est quand même notable. Donc on suppose, voilà, que c'est la raison derrière le retrait de l'émission. On reste au Québec, mais on parle quand même un petit peu du Canada. Pourquoi pas? Parce que Pods remporte un prix pour 19-2. La semaine du Canada à l'écran s'est poursuivie à Toronto avec la présentation du deuxième gala de 3 des prix Écran canadien 2016. Le réalisateur québécois Pods a bien fait lors de cette étape du marathon en remportant le prix de la meilleure réalisation dans une série dramatique pour 19-2. Peu de temps avant la remise des prix, Daniel Grou, c'est son vrai nom, avait pris la peine de remercier les fans pour leurs bons mots en vue du gala. La semaine du Canada à l'écran a culminé, est-ce que c'était dimanche soir dernier? Je crois que oui, avec la présentation des prix Écran canadien en direct de Toronto, présenté par l'acteur Norm Macdonald. 19-2 était opposé à Blackstone, Motive, Saving Hope et X-Company dans la catégorie de la meilleure série dramatique. Très peu de productions originales québécoises sont sélectionnées pour le gala de cette année dans la catégorie télé. Il y a au cinéma le film Guy Barre s'en va en guerre, qui a été quand même un succès populaire. Maintenant, on va aux États-Unis avec Goran Vichnik, qui sera vedette d'une nouvelle série d'action. Il fait son retour sur NBC avec une série d'action et d'aventure nommée Time. Le projet signé Eric Kripke de Supernatural ainsi que Sean Ryan de The Shield est décrit comme la rencontre de retour vers le futur et de mission impossible. L'histoire est centrée sur un trio joué par Abigail Spencer, Matt Lanter et Malcolm Barrett qui voyagent à travers le temps pour combattre un dangereux criminel joué par ce même Goran Vichnik, guidé par un étrange journal d'une autre époque dont le but est de changer l'histoire. Révélé par la série Urgence, salle d'urgence, diffusée sur NBC, dans laquelle il jouait le docteur Luka Kovac, Goran Vichnik est récemment apparu dans Extant, ainsi que Crossing Lines. La série The Girlfriend Experience s'en vient au mois d'avril. La chaîne américaine Starz va accueillir à partir du 10 avril prochain la dernière création télévisée du réalisateur Steven Soderbergh, The Girlfriend Experience. Jeune retraité du cinéma, Soderbergh continue de prendre le petit écran comme un nouveau terrain de création artistique après Behind the Candelabra, The Secret Life of Liberace, qu'on appelle ici Ma vie avec Liberace, téléfilm diffusé sur HBO en 2013, The Nick, une de mes séries préférées, et Red Oaks. Le réalisateur a décidé d'adapter à la télé son film de 2009, The Girlfriend Experience. Héroïne du long métrage, l'actrice Sasha Grey a été remplacée par Riley Keough. qui a été dirigé par Steven Soderbergh aussi dans Magic Mike. La petite fille d'Elvis Presley, vue récemment dans Mad Max, campera Christine Reed, une jeune étudiante en droit qui jongle entre ses études, son stage dans l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats de Chicago et son travail d'escorte de nuit. Les 13 épisodes commandés suivront les trois facettes de Christine qui joue les petites amies éphémères le temps d'une soirée tarifiée en compagnie d'hommes riches. Avec The Girlfriend Experience, Steven Soderbergh renforce sa présence à la télé. Depuis 2013, le réalisateur de la trilogie Danny Ocean s'investit de plus en plus dans ce média. Après Ma vie avec Liberace, premier téléfilm à avoir concouru pour une palme d'or, le cinéaste a proposé ses services à Cinemax avec The Nick, un drame médical dont il a réalisé l'intégralité des deux saisons. Et depuis octobre 2015, il s'est associé à Amazon Video pour la série Red Oaks qu'il se contente de produire. Et c'est Amazon Prime Video. Ensuite, Harlan Coben se lance dans la production de séries télé. Mais qui est Harlan Coben? C'est un écrivain américain. Il se lance dans la production de séries télé avec Red Production Company, une société de production britannique détenue par Studio Canal, qui travaille à l'adaptation de 6 ans déjà. L'auteur de best-seller, Comme ne le dit à personne, ainsi qu'Une chance de trop, assurera la direction générale de cette société, baptisée Final Twist Productions, aux côtés de la fondatrice de Red, Nicola Schindler, a précisé un communiqué de Studio Canal, filiale de Canal+, qui s'occupera de la distribution à l'international. La société a commencé à travailler sur une adaptation en série du roman de Coben 6 ans déjà, un thriller sur fond d'histoire d'amour dans la lignée du best-seller Ne le dit à personne, porté au grand écran par l'acteur et réalisateur français Guillaume Canet. Installée aux États-Unis, cette nouvelle société développera des séries originales et passionnantes pour les réseaux de diffusion américains. L'écrivain, au plus de 60 millions de livres vendus dans le monde, avait déjà transposé pour la chaîne française TF1 son roman Une chance de trop, une série de 6 épisodes de 52 minutes. L'auteur a également collaboré avec Red Production sur la nouvelle série en 10 épisodes The Five, dont il a coécrit le scénario et qui sortira le 15 avril sur la chaîne britannique Sky One. Studio Canal, qui détient une participation majoritaire dans Red, travaillera avec Final Twist sur la recherche de partenariats de coproduction internationale et détiendra les droits de distribution, sur les productions finales de la société. Donc, cette compagnie étant située aux États-Unis, on continue dans le même pays avec Leighton Mister, qui décroche le rôle principal d'une comédie. 3 ans après la fin de la série Gossip Girl, Leighton Meester fait son retour à la télé dans Making History, la nouvelle comédie de la chaîne américaine Fox. La série est centrée sur 3 amis qui ont trouvé un moyen de voyager dans le temps, une découverte qui compliquera leur vie personnelle dans le présent. Leighton Meester interprétera Deborah, une femme de l'époque coloniale autodidacte aux idéaux modernes, prise au piège dans une période qui ne l'est pas. Elle donnera la réplique à Adam Pally, aperçu dans la série The Mindy Project. L'actrice qui a incarné Blair Waldorf dans Gossip Girl pendant 5 saisons a profité de son absence des plateaux de télé pour proposer en 2014 son premier album Heartstrings. Danny Boyle s'attaque à une nouvelle série. Le réalisateur anglais retracera pour la chaîne américaine FX la triste histoire de John Paul Getty III, riche héritier enlevé en 1973 par une organisation mafieuse italienne. Pour Trust, il s'entourera à nouveau du producteur et du scénariste de son film Le Pouilleux Millionnaire. Argent, pouvoir, dynastie, pétrole et mafia, l'histoire de la famille Getty réunit tous les ingrédients pour passionner les téléspectateurs. En 1973, alors installé en Italie, le clan connaît une véritable tragédie. John Paul Getty III, petit-fils du magnat du pétrole John Paul Getty, se fait kidnapper par des proches de la 'Ndrangheta, une organisation mafieuse du sud du pays. Pour récupérer son petit-fils de 16 ans, son grand-père doit verser les 17 millions de dollars demandés par les ravisseurs. John Paul Getty refuse dans un premier temps de payer, mais se ravise quelques mois plus tard lorsqu'un journal italien reçoit l'oreille et une boucle de cheveux de l'adolescent. Après avoir déboursé 3 millions de dollars, la victime est retrouvée vivante, mais conserve à vie des traces de ce tragique événement. Alcoolique et toxicomane, il tente une carrière d'acteur sans grand succès. En 1981, une surdose d'alcool et de drogue le rend pratiquement aveugle et tétraplégique, un lourd handicap qu'il porte jusqu'à son décès en 2011 à l'âge de 54 ans. Trust se composera de 10 épisodes, dont le premier sera mis en scène par Danny Boyle lui-même. Le réalisateur avait fait de même avec sa précédente série Babylon, diffusée en 2014 à la télévision anglaise sur Channel 4. Cette fois-ci, il embarquera dans cette nouvelle aventure Simon Beaufroy et Christian Coulson, respectivement scénariste et producteur de ses films Le Pouilleux Millionnaire, qui a remporté 8 Oscars en 2009 et 127 heures. Le trio devait déjà se réunir pour la chaîne FX à travers la mini-série historique Telemark, centrée sur des résistants norvégiens de la Seconde Guerre mondiale, entraînés en Angleterre pour saboter le développement nucléaire des nazis. Annoncé en 2013, le projet ne s'est jamais concrétisé pour des raisons inconnues. Toujours aux États-Unis, Shonda Rhimes pioche dans Dr. Grey pour la rentrée 2016. Donc Shonda Rhimes, la créatrice de nombreuses séries pour ABC, offre à l'une de ses chirurgiennes de Dr. Grey leçon d'anatomie le premier rôle de son pilote Toast, développé pour la saison 2016-17 selon Deadline. Il va sûrement y avoir des spoilers dans cet article, étant donné qu'on parle qu'une actrice va quitter la série, peut-être qu'elle va mourir dans Dr. Grey, donc faites attention. connu des téléspectateurs pour incarner... Et là, c'est d'ici que ça commence. Stephanie Edwards, résidente en chirurgie dans Dr. Grey, Jerrica Hinton profite d'une nouvelle série télévisée de Shonda Rhimes. L'actrice participera à son nouveau pilote qui tentera de se faire une place dans la programmation d'ABC la saison prochaine. Toast se déroulera dans la veille du mariage de Max et Paige lors du dîner de répétition. En portant des toasts au couple, la famille et les amis dévoilent des anecdotes sur eux. Des retours en arrière permettront alors aux téléspectateurs de découvrir le long chemin semé d'embûches conduit parcourir les deux amoureux jusqu'à l'hôtel. Jerrica Hinton campera Paige, une femme sérieuse issue d'une famille aisée du Texas, à l'opposé de celle de son futur époux. Max, joué par Jono Kenyon, sera charismatique mais maladroit. Le jeune homme qui a abandonné l'université et dont le père est en prison s'inquiète de ce que peut penser sa belle famille. Le pilote permettra à Jerrica Hinton de retrouver une ancienne collègue de Dr. Grey, Tessa Farrer, qui a interprété lors des saisons 9 et 10 l'interne Leah Murphy, virée par le Dr. Weber. Dans ce nouveau projet, elle incarnera Jules, un garçon manqué qui sert de meilleur ami à Max. Toast devient le deuxième pilote mis en chantier par Shonda Rhimes pour la rentrée 2016 américaine après Steel Star Crust, dont on a parlé il y a quelques semaines, inspiré par l'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette. La créatrice possède déjà trois séries en diffusion, Dr. Grey, Leçon d'anatomie, Scandale ainsi que How to Get Away with Murder, qui en français s'appelle apparemment Murder. Elle ajoutera le 24 mars prochain, une quatrième série de Catch. Ben, parlons-en justement de Catch. Une autre nouvelle série de Shonda Rhimes qui arrive en mars. Mireille Enos et Peter Krause joueront au chat et à la souris à partir du 24 mars sur la chaîne américaine ABC dans The Catch. Tout sourit à Alice Vaughn, enquêtrice spécialisée dans la fraude financière. Brillante dans son travail, elle s'apprête à épouser Benjamin Jones. Son monde confortable s'écroule lorsqu'elle découvre que son fiancé est en réalité un escroc habile qui a fait d'elle sa dernière victime. Désormais ruinée, elle met tout en œuvre pour le retrouver et se faire justice elle-même. Derrière cette intrigue se cache la prolixe productrice de séries télé Shonda Rhimes, qui possède donc désormais 4 séries diffusées simultanément sur ABC. Comme pour ses précédentes séries, la reine du petit écran a décidé de centrer son histoire sur une femme. The Catch se glissera dans la programmation de ABC à partir du 24 mars à la place de Murder, qui terminera sa saison le 17 mars. J'aime l'idée de faire une alternance, une roulette chanceuse. On va chez ABC maintenant, Jennifer Beals, à l'affiche de la série Taken. Jennifer Beals, l'actrice du Feu de la danse, Flashdance, a été confirmée à la distribution de cette adaptation de la franchise L'Enlèvement ou Taken, a rapporté Deadline.com. Écrite et produite par Alex Carey, la série télé sera un antépisode moderne à la franchise qui montre comment Brian Mills, joué par Clive Standen, a développé et aiguisé ses talents. Jennifer Beals jouera Christina Hart, la directrice adjointe spéciale du renseignement national qui a pris Mills sous son aile. Cultivée et puissante, riche d'expérience sur le terrain, elle est à la tête d'une équipe d'agents d'élite responsables de la sécurité des États-Unis lors de situations d'urgence. Sorti en 2008, le premier volet sur grand écran de L'Enlèvement mettait en scène un ancien agent des services secrets américains, évidemment Liam Neeson, tentant d'arracher sa fille à un gang. La franchise a donné naissance à 2 autres films. Donc on dit un antépisode moderne, ça veut dire que ça se passe dans le présent, mais que ça se passe aussi avant le film. En fond, c'est avant le film, mais dans le présent, comme si le présent était avant le film, comme si le film était dans le futur. Étrange. La série sur O.J. Simpson dérange les familles, toi. Une nouvelle série créée par une partie de l'équipe derrière American Horror Story fait actuellement fureur sur les ondes de la chaîne FX aux États-Unis, aux grandes dames des proches des deux victimes de meurtre. Ryan Murphy propose en effet American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson sur le réseau, sur la première saison de la série sœur de American Horror Story. Une première saison qui retrace le procès de O.J. Simpson, accusé dans les années 90 du meurtre de Nicole Brown et de Ron Goldman. Les proches des deux victimes se sont cependant manifestés dès le lancement de la série pour verbaliser leur mécontentement et pour noter quelques erreurs factuelles. Cette fois, c'est la famille de Ron Goldman qui compare la série de Murphy au fait de retirer un pansement et jeter des gallons de sel dans la plaie lors de passage à l'émission de Steve Harvey Show. Je cite, « Je ne sais pas c'est quoi la valeur de l'émission, c'est partout et les gens sont genre « Oh, les jeux des acteurs sont vraiment poignants et c'est une si bonne histoire, je me dis que ce sont des meurtres. Ça me rend très confus parce que ce n'est pas du divertissement pour nous. » Mais en tant que tel, ça reste que c'est une série d'anthologie de divertissement. C'est comme les trucs d'horreur, tu sais, ça reste de la fiction. Mais j'avoue que là, ça s'appelle The People vs. O.J. Simpson, ça donne l'impression que c'est un documentaire. Mais bon. Ça continue d'être diffusé quand même les mardis à 22h sur les ondes de la chaîne FX. Peut-être qu'il devrait vraiment préciser au début de chaque épisode que c'est basé sur des faits vécus, mais en tant que tel, c'est une fiction. Hein? Ensuite, James Corden développera une émission sur Carpool Karaoke. Vous avez certainement vu passer ça sur Facebook et les autres médias sociaux en tant que tel, les capsules de Carpool Karaoke de James Corden au Late Late Show. Donc, selon The Hollywood Reporter, l'animateur du Late Late Show voudrait développer un dérivé, un spin-off du concept qui est devenu une sensation virale sur YouTube avec des millions et des millions de vues à chaque semaine. Le segment, évidemment, on amène des numéros musicaux dans une voiture avec l'humoriste britannique et on leur demande de chanter leurs propres chansons et d'autres chansons avec des résultats hilarants pour certains. Pas mon genre de truc, mais bon, gars, je suis snob. Hein. Le segment a quand même mis en vedette plusieurs vedettes toutes connues, dont Justin Bieber, Mariah Carey, Stevie Wonder, récemment Adele. Quand même, c'est devenu un énorme succès tout ça, plus de 84 millions de vues sur YouTube. Corden ne devrait pas animer la série, mais va probablement faire des apparitions spéciales. En tant que tel, on s'entend que c'est pas James Corden qui fait cette capsule-là, c'est lui qui l'a fait, mais c'est pas lui qui fait que les gens la regardent. Disons que les gens se foutent un petit peu de l'humoriste qui est sur l'autre siège, donc je pense pas que ça va changer grand-chose. J'ai vu, et là je l'ai pas dans mes nouvelles parce que je me rappelle pas où j'ai vu ça, mais à quelque part sur Internet, j'ai vu qu'il y avait aussi Karaoke, une autre émission de karaoké. Donc là, je crois que ça va être les gens du public qui vont pouvoir faire du karaoké dans une voiture, mais ça reste le même genre de concept. Tout le monde se copie là, en télé autant que dans d'autres domaines, donc vous allez voir plusieurs émissions de karaoké de voiture bientôt. Ensuite, Ricky Gervais fait revivre The Office. Vous savez qu'on est rendu à l'international dans notre blog Television, donc The Office au cinéma. Il y avait un buzz sur le web depuis quelques temps, mais la rumeur semble se confirmer. Le comique britannique Ricky Gervais offrirait une nouvelle vie à son coloré personnage de David Brent, popularisé par la série originale anglaise de The Office en 2001. La version originale de The Office, moi je l'adore, je l'ai sur DVD, je l'ai acheté chez moi, je suis super content de voir ça. On dit des rumeurs dans le journal Metro.com, j'ai vu des photos et Ricky Gervais l'a lui-même posté sur Facebook comme de quoi que ça s'en venait, donc depuis des mois. Fait, je sais pas si c'était supposé vraiment être des rumeurs, je pense qu'on savait tous que ça s'en venait. Donc, comme dit l'article de Journal Métro, des adaptations de séries télé en film, c'est pas toujours la meilleure chose. Par exemple, Entourage, le film, un gros flop. Entourage, la série télé, un succès. La série Les Bougons au Québec, il va y avoir un film là-dessus. Est-ce que ça va être un flop? On sait pas. Mais donc, Ricky Gervais qui s'en vient avec un film de David Brent, qui était le nom du patron dans The Office. L'équivalent de ce que Antoine Vézina jouait ici au Québec. Même que Antoine Vézina calquait un peu son personnage sur Ricky Gervais, alors qu'aux États-Unis, Steve Carell, qui jouait l'équivalent dans la version américaine, lui était complètement son propre rôle, sauf dans la première saison. En passant, hein, là je fais mon geek, là, on geek pas mal ensemble, mais si vous avez jamais vu la version britannique de The Office, premièrement écoutez-la, c'est génial, ça s'écoute super vite parce que c'est très peu d'épisodes par saison. Si vous écoutez la version américaine, la première saison ressemble à un calque de la version britannique. C'est pas nécessairement le genre d'humour de tout le monde, c'est rempli de malaise, c'est très très très britannique, moi j'adore ça, mais faut attendre la deuxième saison pour que Steve Carell prenne le rôle entre ses mains et en fasse autre chose complètement. Donc, persévérer au-delà de la première saison. Même chose pour Parks and Recreation ainsi que 30 Rock. Les premières saisons sont meh. Après la deuxième, ça devient super bon. C'est un conseil, c'est une garantie, c'est une planting guarantee. Ensuite, on va sur Internet maintenant. Le personnage culte de Ben Edlund, The Tick, pourrait revenir sur le petit écran, mais cette fois-ci sur Amazon. Selon Deadline, Amazon a commandé un pilote pour The Tick. Ben Edlund, qui a créé le personnage et a également réalisé la série animée de 94 et la série avec des humains sur Fox en 2001 qui mettait en vedette Patrick Warburton, servira en tant que scénariste et producteur délégué. Avec cette nouvelle, certaines rumeurs de casting ont commencé à circuler. Griffin Newman serait en pourparlers pour jouer Arthur, l'acolyte de Tick, et Valerie Curry serait en négociation pour le rôle de la sœur d'Arthur, Dot Everest. Les auditions pour jouer Tick seraient également en cours, alors que Deadline rapporte que Patrick Warburton, qui a joué le personnage pendant 9 épisodes seulement sur Fox, mais qui est devenu un méchant personnage culte dans une méchante série culte aux États-Unis, ne reviendra pas pour jouer le rôle. Dans le pilote d'Amazon, The Tick se remettra d'une perte de mémoire et fera équipe avec Arthur, qui a été diagnostiqué comme schizophrène parce qu'il croit qu'il y a un complot du mal à contrecarrer dans leur ville natale. Toujours les articles aussi bien écrits de TVQC.com que je vais lire très lentement pour être sûr de bien comprendre. On reste sur Internet avec Ashton Kutcher qui débarque à la ferme dans The Ranch. La bande-annonce de la nouvelle série The Ranch sur Netflix vient d'être dévoilée récemment. Le premier épisode sera diffusé sur Netflix le 1er avril. Dans cette comédie située de nos jours dans une petite ville du Colorado, Colt, joué par Ashton Kutcher, retourne au ranch familial après une brève carrière ratée en tant que joueur semi-professionnel de football américain. L'ancien sportif a l'espoir de maintenir l'entreprise familiale à flot aux côtés de son frère aîné, Jameson Rooster, joué par Danny Masterson, donc une réunion de That 70 Show en même temps, et de son père Beau, joué par Sam Elliott, qu'il n'a pas revu depuis 15 ans. Debra Winger jouera le rôle de Maggie, la mère de Colt et Rooster, et gérante du bar local. La production est assurée par Don Rio, qu'on connaît pour Two and a Half Men, sûrement une des pires sitcoms, à mon avis, de l'histoire. My Wife and Kids, que j'adore. Donc, tu vois, il y a des gens, tu sais, ils font des bonnes choses, des mauvaises choses. My Wife and Kids avec truc, comment ça s'appelle? Je ne sais pas de son nom. Super drôle. C'est Ma Famille d'abord en français. Two and a Half Men, c'est Mon Oncle Charlie en français. Et ça, c'est vraiment mauvais. Ainsi que donc la production assurée par Don Rio, celui que je viens de mentionner, et Jim Patterson, aussi de Two and a Half Men, mais aussi de Mike and Molly, qui est une sitcom très moyenne, mais pas si mauvaise, à mon avis. Ainsi que par Ashton Kutcher et Danny Masterson. Bande annonce sur assemblagerequis.com est en anglais, on ne l'écoutera pas ensemble, mais quand même. Ensuite, toujours sur Internet, Neil Patrick Harris a été confirmé pour la série A Series of Unfortunate Events. Donc, Neil Patrick Harris, qui sera une des têtes d'affiche de A Series of Unfortunate Events, adaptée de la série de romans du même nom qu'on appelle en français Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Voilà. Selon Deadline.com. À la réalisation, on retrouve Barry Sonnenfeld, à qui l'on doit notamment Homme en noir ou encore Les valeurs de la famille Adams. La série racontera l'histoire d'enfants orphelins répondant au nom de Violet, joué par Malina Weissman, Klaus, joué par Lewis Hines, et Sonny Baudelaire, en proie au vilain conte Olaf, campé par, donc, dans ce cas-ci, Neil Patrick Harris. Olaf, c'était au grand écran avec Jim Carrey, sorti en 2004. L'acteur Neil Patrick Harris est surtout connu pour son rôle, évidemment, dans Comment je l'ai rencontré ou How I Met Your Mother. Et finalement, Luke Cage, la nouvelle série de Marvel qui s'en vient sur Netflix. Encore une autre série de Marvel. Les 13 épisodes de Luke Cage, la série Marvel portée par Mike Coulter. Trop de mots en anglais pour que les mots français sortent correctement, seront mis en ligne sur Netflix le 30 septembre prochain. Il s'agit de la troisième série inspirée de l'univers des célèbres bandes dessinées proposées par Netflix après Daredevil, dont la deuxième saison sera lancée après-demain, le 18 mars, et Jessica Jones, qui vient d'être renouvelée. Luke Cage sera centré sur le passé trouble du super-héros à la peau indestructible et à la force extraordinaire aperçue dans la saison 1 de Jessica Jones. L'univers Marvel continuera de s'étendre avec l'arrivée de Iron Fist, interprété par Finn Jones, qu'on connaît pour Game of Thrones, le Trône de Fer. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist partageront l'affiche d'une série intitulée The Defenders, qui sera également diffusée sur Netflix. Donc wow, que de matériel à se mettre sous la dent sur Netflix pour les amateurs de super-héros et autres trucs de bande dessinée. C'est donc bien cool d'avoir ça de nos jours. Voilà pour Television, allons-y avec les cotes d'écoute. Pour la semaine du 22 au 28 février, on commence par le Québec avec les positions 15 à 6 en rafale. Rupture, La Voix, Les Enfants de la Télé, Mémoire Vive, Au Secours, Vive, Au Secours de Béatrice, Accès Limité, Vlog, Tout le monde en parle, Oh et LOL. En 5e, Les Pays d'en haut, en 4e, Yamaska, 3e, Les Beaux Malaises, 2e, Unité 9, et en première avec 2 581 000, le classique La Voix. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, Code Black, The Blacklist, Castle, Blue Bloods, CTV Evening News, The Flash, NCIS New Orleans, Lucifer, Survivor, Criminal Minds, en 5e, The X-Files, en 4e, NCIS, en 3e, Academy, donc pre-show, l'émission des Oscars, en 2e, The Big Bang Theory, en première avec 5 600, 654 000, c'est les Oscars, les Academy Awards. Voilà, les liens sont sur assemblagerequis.com. Tantôt, ce sera Merci Science, mais avant ça, en chip tout, on s'en va entendre La Fille de Fox, un autre que j'adore. Je le dis quand je les aime, parce que c'est des habitués d'émissions qu'on écoute fréquemment. Donc voici La Fille de Fox et Songs About Skateboarding. MPS, le Mathieu Plante Show sur ses... pour l'écouter. 89.1. Weasel Spoon et la chanson thème, la musique tellement fait de The X-Files, version un petit peu stridente, hein? Version d'une chanson de Mark Snow sur un Game Boy, multi-tracked Game Boy avec le logiciel MGB. Avant ça, c'était His Theme Technosis Remix du jeu Undertale par Technosis et au tout début, avant la pause, c'était Laffy the Fox avec Songs About Skateboarding and Getting Dumped. Au Mathieu Planchon, maintenant c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Hein, commençons par la façon d'améliorer votre mémoire peut-être un jour dans le futur. Au laboratoire, des chercheurs italiens ont stimulé les performances cognitives et la mémoire de souris grâce à la simulation transcrânienne à courant direct, le TDSCS. L'homme pourra-t-il lui aussi améliorer ses capacités intellectuelles par l'électrostimulation? La plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions entre neurones. Elle joue un rôle fondamental dans les apprentissages et la mémoire. Il serait intéressant de stimuler cette plasticité du cerveau pour améliorer la mémoire des individus. C'est peut-être ce qui sera bientôt possible de faire par des stimulations électriques du cerveau. Dans une recherche parue dans Scientific Reports, les chercheurs de l'Université catholique de Rome ont étudié les effets de la stimulation transcrânienne à courant direct sur la plasticité cérébrale de l'hippocampe. La TDCS est une technique non-invasive de stimulation cérébrale qui utilise deux électrodes placées sur le crâne et délivrant un courant électrique et de très faible intensité. Alors que la TDCS a été utilisée pendant des années pour traiter des patients souffrant de troubles comme l'AVC, la dépression ou le trouble bipolaire, peu d'études se sont intéressées au lien entre ces techniques et l'amélioration de la plasticité cérébrale. Après avoir exposé les souris à des sessions de 20 minutes de TDCS, les chercheurs ont vu des signes d'amélioration de leur mémoire et de leurs apprentissages pendant au moins une semaine. Les souris ont amélioré leur performance dans les tests où elles devaient se déplacer dans un labyrinthe d'eau et distinguer des objets connus ou inconnus. L'équipe a aussi découvert une augmentation de la plasticité cérébrale dans l'hippocampe et de la production d'une protéine, la BDNF pour Brain-Derived Neurotrophic Factor, une neurotrophine fabriquée par les neurones essentielle au développement neuronal et au contrôle de la plasticité synaptique. La stimulation de la plasticité cérébrale se faisait grâce à la régulation épigénétique et de l'expression de BDNF et par une activation de sa transcription. Ces résultats suggèrent que l'électrostimulation améliore la mémoire par un remodelage de la chromatine au niveau des séquences de régulation de BDNF, conduisant à une augmentation de l'expression de son gène. La TDCS permet donc d'imaginer de nouvelles thérapies pour renforcer l'apprentissage et la mémoire dans différents troubles comme la maladie d'Alzheimer. Je me rappelle avoir parlé de TDCS la semaine passée, j'arrêtais pas de m'enfarger dans ça. Mais la nouvelle elle-même est une nouvelle nouvelle. Maintenant, parlant de nouvelles nouvelles, voici une bonne nouvelle nouvelle. Internet va être plus rapide grâce au cerveau humain. Évidemment, quand les articles disent que quelque chose va être, ça devrait plutôt être « pourrait » peut-être être plus rapide potentiellement grâce un jour au cerveau humain. Une équipe issue du MIT et de Harvard a conçu un algorithme qui réduit de 34% le temps de chargement des pages web. Baptisé Polaris, il détermine le séquençage du téléchargement des objets qui composent une page afin de raccourcir les délais. Rédigé en JavaScript, ce programme pourrait fonctionner avec n'importe quel site Internet et sans imposer de modifier les navigateurs. À l'époque, pas si lointaine des modems, les sites Internet pouvaient mettre plusieurs minutes à se charger et personne n'y trouvait à redire. Aujourd'hui, à l'heure des connexions haut débit, quelques secondes de retard à l'allumage suffisent pour qu'un internaute s'impatiente et aille visiter un autre site. Alors bien sûr, lorsque les spécialistes assurent qu'ils peuvent réduire d'un tiers le temps de chargement des pages web avec un algorithme en JavaScript, on tend l'oreille avec intérêt. Il s'agit d'une équipe réunissant des chercheurs du CSEL pour le Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et de l'Université de Harvard, qui a conçu cet algorithme baptisé Polaris. Il est capable de réduire de 34% le temps de chargement d'une page web sans recourir à un système de compression, simplement en mettant de l'ordre dans le téléchargement des éléments d'une page. Lorsqu'on appuie sur la touche Entrée du clavier après avoir saisi une URL ou que l'on clique sur un lien hypertexte, le navigateur Internet se connecte à un serveur quelque part dans le monde pour récupérer les objets qui composent la page web, fichier JavaScript, feuille de style CSS, fichier HTML, photographie, contenu Flash. Chacune de ces ressources correspond à une requête sur le réseau. Or, lorsqu'un objet s'intègre à une page, il en appelle d'autres en même temps. Ce sont des dépendances qui peuvent ralentir le chargement de ce, car le navigateur ne sait pas encore à l'avance quels objets annexes il va devoir traiter. Sur certains sites web complexes, il peut ainsi y avoir des milliers de dépendances qui occasionnent autant d'allers-retours sur le réseau. C'est là qu'intervient Polaris en dressant une cartographie de ses dépendances et interdépendances dont le navigateur Internet va se servir pour télécharger plus efficacement les éléments de la page. Ce processus se déroule avant même que la page ne commence à être chargée. Pardon. ça, bienvenue tout de suite. Hein. L'algorithme a été testé avec 200 sites Internet dans différentes configurations réseau. Il a donc permis de réduire le temps de chargement en moyenne de 34%. L'efficacité de Polaris augmente avec la complexité des sites web. Le recours au graphe de dépendance n'est pas une nouveauté dans le domaine du développement logiciel et le concepteur de Polaris l'admet bien, les concepteurs l'admettent bien volontiers. Mais il explique que leur méthode de comparaison lexicale entre les dépendances est plus fine. L'autre avantage important est que l'algorithme est écrit en JavaScript, ce qui signifie qu'il peut être implanté dans n'importe quel serveur pour accélérer le chargement des sites web qu'il héberge. De plus, les navigateurs Internet n'auraient pas besoin d'être modifiés. Les chercheurs doivent présenter leurs travaux lors d'un symposium Usenix qui se tient bientôt en Californie. Évidemment, comme j'ai lu l'article avec le mot chercheur dedans, je l'ai mis dans Merci Science, mais c'est clairement un article qui aurait dû être dans CNX. Les théoriciens sont souvent des amateurs de BD de super-héros et pour preuve, deux chimistes polonais viennent d'évoquer la kryptonite de Superman dans la prédiction avec le krypton. Ce gaz noble est chimiquement inerte dans des conditions normales, mais il se combinerait avec de l'oxygène pour former un cristal, un cryptoxyde, sous une pression de plus de 300 millions d'atmosphères, selon les calculs des deux chercheurs. On essaie donc de créer la kryptonite de Superman. Deux chimistes polonais viennent de publier dans Scientific Reports un article qui aurait sans doute retenu l'attention de Percy Williams Bridgman, l'un des pionniers de la physique des hautes pressions. En effet, en mettant au point une technique permettant de soumettre des échantillons de matière à des pressions dépassant les 100 000 atmosphères, ce physicien a fait des découvertes qui lui ont valu le prix Nobel de physique en 1946. On peut citer par exemple parmi elles celle de l'existence de nouvelles phases de la glace. On lui doit surtout l'idée des cellules à enclume qui ont permis de faire des expériences concernant l'état des roches à l'intérieur de la Terre ou de la matière dans le cœur des planètes géantes comme Jupiter. Les cellules à enclume de Bridgman étaient initialement composées de carbure de tungstène. Elles ont pavé la voie aux cellules à enclume de diamant qu'on utilise aujourd'hui de façon routinière pour les expériences de physique à haute pression. D'après les deux chercheurs polonais qui sont des théoriciens de la chimie, ces cellules à enclume de diamant devraient leur permettre de vérifier l'existence d'un nouveau cristal à base d'un gaz rare, le krypton. Les deux hommes sont bien de leur époque et confirment l'enthousiasme de nombreux théoriciens, qu'ils soient chimistes ou physiciens, pour les super-héros. La raison en est simple, ils prédisent la formation d'un cristal formé d'oxyde de krypton dans des conditions de pression suffisamment élevées. Une telle affirmation passera probablement pour hérétique chez les chimistes débutants. On leur apprend en effet que la structure électronique des atomes des gaz nobles comme l'hélium, l'argon ou le krypton, structure qui explique leur capacité à former des liaisons chimiques, ne devrait exister qu'à l'état d'atome. C'est en effet ce que les observations ont longtemps semblé prouver. Cependant, dès 1933, le célèbre Linus Pauling avait prédit que des composés moléculaires devaient tout de même exister avec les gaz nobles les plus lourds dans des combinaisons avec le fluor et l'oxygène. Il avait ainsi prédit l'existence de l'hexafluorure de xénon et de l'hexafluorure de krypton. Les expériences lui ont donné raison et en 1962, des cristaux d'hexafluoroplatinate de xénon ont démontré pour la première fois que le krypton n'était pas totalement inerte du point de vue chimique. Des combinaisons de carbone, d'hydrogène et de krypton sous forme de molécules ont aussi été trouvées par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les composés macroscopiques sous forme de solides cristallisés avec le krypton, c'était une autre affaire. Des simulations numériques complexes ont pourtant été menées sur ordinateur. Elles utilisaient une méthode avancée en physique de la matière condensée basée sur la mécanique quantique et ont montré que du monoxyde de krypton, qui serait plus juste d'appeler du cryptoxyde, devrait pouvoir exister sous forme cristalline en utilisant des pressions entre 300 et 500 millions d'atmosphères. Comme la planète Krypton de Superman est censée être une super Terre bien plus massive que notre planète, on peut penser que ce cristal pourrait peut-être se former dans son intérieur. En tout état de cause, la théorie indique que ce monoxyde de krypton devrait se comporter comme un semi-conducteur et être de couleur noire. Il s'agirait donc pas vraiment de la kryptonite de Superman, bien que cette dernière est censée pouvoir exister sous différentes couleurs. Ce serait toutefois un joli clin d'œil au monde des super-héros, nous dit Futura Science. À l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, maintenant, des chercheurs ont testé avec succès un doigt bionique doté d'une certaine sensibilité. Grâce à lui, un homme ayant perdu une main peut apprécier la rugosité d'une surface. Sans nécessité d'intervention chirurgicale, ce procédé est utilisable aussi sur des personnes valides et a de quoi faire progresser la prosthétique et la robotique. Ça fait plusieurs années que Dennis Abo Sorensen collabore avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne au développement d'une main bionique capable de lui rendre le sens du toucher. Ce Danois, bientôt quadragénaire, a perdu sa main gauche. Ça fait drôle de dire quadragénaire pour quelqu'un en quarantaine, ça fait vieux. Quadragénaire, parce qu'on a l'habitude de dire ça pour des personnes plus âgées. Bref, il a perdu sa main gauche dans un accident domestique et il y a un peu plus de 10 ans. J'aime le fait que ça reste flou, un accident domestique. Peut-être que sa femme lui a tranché sa main, on sait pas. En 2014, il a testé une prothèse expérimentale reliée par des électrodes aux nerfs périphériques de son moignon, grâce à laquelle il a pu ressentir le contact avec les objets. Les informations recueillies par les capteurs seront converties par une interface neuronale en signaux électriques que le système nerveux peut reconnaître. Grâce à cette prothèse, Dennis Abo-Sorensen pouvait identifier la forme et la consistance des objets qu'il saisissait et ainsi moduler la force de sa préhension. L'équipe de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui pilote ce projet vient de faire vivre une nouvelle expérience encore plus riche en émotions à son volontaire. Cette fois, il a essayé un doigt bionique qui lui a permis de distinguer avec une précision de 96% des surfaces rugueuses et lisses. La sensation du toucher est très proche de ce qu'on sent avec un doigt normal, explique-t-il. Le doigt bionique est installé sur un bras robotisé qui le déplace sur différentes surfaces. L'index est connecté à une interface neuronale, un ordinateur, elle-même reliée au nerf périphérique du moignon. C'est vraiment un terme médical, je dis pas ça pour rire de la personne, via des électrodes. À chaque mouvement, les micro-récepteurs électromécaniques présents dans l'appendice bionique envoient un signal électrique qui est converti par des algorithmes en impulsion électrique que le système nerveux peut interpréter. Rendant compte de leurs avancées dans la revue scientifique eLife, les chercheurs de l'EPFL expliquent qu'ils ont aussi testé le dispositif avec succès sur des personnes valides et cela sans recourir à une chirurgie pour implanter des électrodes. Les nerfs ont été stimulés par voie externe grâce à des aiguilles micro-neurographiques implantées dans le nerf médian du bras à travers la peau. Les personnes non amputées ont été capables de distinguer la rugosité d'une texture 77% du temps. En comparant l'activité électrique du cerveau de personnes non amputées utilisant leurs doigts pour sentir une texture à celle produite par le doigt bionique, l'équipe de l'EPFL a constaté une similitude au niveau des régions cérébrales stimulées. Ce qui signifie que les travaux sur le toucher via des prothèses peuvent être menés avec des personnes valides puis être répliqués sur des personnes amputées. Voilà qui devrait donc donner un coup d'accélérateur aux recherches dans ce domaine, mais aussi en robotique pour le développement de peaux artificielles. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à voir une telle prothèse bionique fonctionnelle avant plusieurs années, car bien que les capteurs aient fait énormément de progrès au niveau de leur résolution, le plus gros défi technique se situe du côté de l'interface neuronale. Celle-ci doit être effectivement puissante pour restituer les nuances du toucher tout en étant miniaturisé pour être incorporé dans un membre artificiel. Mais pour Dennis Abo-Sorensen et toutes les personnes dans son cas, l'espoir de pouvoir un jour sentir ce qu'il touche est désormais réel. Deux jumeaux nés de pères différents, ça se peut. L'événement est très très rare, ça vient de survenir au Vietnam. Des tests génétiques ont révélé que deux jumeaux de 2 ans n'avaient pas le même père. Ils sont issus de deux fécondations survenues dans la même période. Un cas extrêmement rare de jumeaux nés de pères différents, donc, a été révélé par les autorités sanitaires du Vietnam. La découverte a été faite suite à un test d'ADN réalisé sur ces jumeaux dans un laboratoire de Hanoï, à la demande de leurs parents dont l'identité n'a pas été révélée. Je cite « Notre centre d'analyse génétique a effectué des tests et découvert que ces jumeaux avaient deux pères », a déclaré Lee Dinh Luong, président de l'Association de génétique du Vietnam, travaillant sous l'égide du ministère de la Santé. Il a souligné la rareté de ce phénomène qui se produit quand deux ovocytes de la mère sont fécondés par deux hommes différents lors de rapports sexuels survenus lors de la même période d'ovulation. Le nombre de paires de jumeaux identifiés comme étant nés de pères différents est estimé à une dizaine à travers le monde. Vous avez certainement vu passer un jour ou l'autre la nouvelle avec, je sais pas si c'était des garçons ou des filles, mais je crois que c'était des filles. Une était noire, l'autre était blanche, ben t'sais, pêche et brunesque. Selon le quotidien Tuoi Tre, tout est parti d'une demande de test de paternité du père officiel, soucieux de vérifier s'il était bien le père biologique de deux jumeaux de sa femme, dont l'un lui semblait n'avoir... C'est tellement français. Dont l'un lui semblait n'avoir pas d'air de famille. Ouf. Les tests ont montré qu'il était le père d'un seul des deux bébés, alors que sa femme est bien la mère biologique des deux enfants, aujourd'hui âgés de 2 ans. Bâtard de bêtèche, hein? Incroyable. Découvert en 1994, maintenant, le secret bancaire résistera-t-il à un algorithme quantique? Découvert en 1994, l'algorithme de Shor permettrait de casser les clés utilisées pour les transactions bancaires. Il suppose l'existence d'un calculateur quantique avec un grand nombre de qubits. Une équipe de chercheurs a fait un pas de plus en direction de la création d'une telle machine. On sait au moins depuis Euclide qu'il est possible de décomposer les entiers en produits de nombres premiers, par exemple 13 égale 3 fois 5. La décomposition est à chaque fois unique et les algorithmes permettent de la trouver. Cependant, ces derniers deviennent rapidement prohibitifs au temps de calcul lorsque l'entier considéré devient de plus en plus grand. Certains de ces algorithmes sont plus efficaces que d'autres, mais même avec des superordinateurs, trouver la décomposition de certains entiers en un produit de deux nombres premiers pourrait prendre des dizaines d'années. Ce simple fait autorise des techniques de codage efficaces qui assurent le secret des transactions bancaires qui s'appelle le chiffrement RSA. Toutefois, en 1994, c'est encore une autre nouvelle que j'aurais dû mettre dans CNX, je m'en excuse. Toutefois, en 94, un chercheur en mathématiques appliquées du Massachusetts Institute of Technology, Peter Shor, a fait exploser une petite bombe. Il s'intéressait au tout jeune domaine du calcul théorique avec des ordinateurs quantiques. Le domaine de recherche ouvert dans les années 80 par des pionniers comme Richard Feynman et David Deutsch. Il démontra que le calcul quantique avec des qubits permettait l'existence d'un algorithme capable de factoriser en un temps record un entier et en un produit de deux nombres premiers. En pratique, c'est une autre histoire. Il était donc possible de casser les codes secrets non seulement des banques, mais aussi des États et des armées en utilisant l'algorithme de Shor. Malheureusement ou heureusement, un ordinateur quantique ou simplement un calculateur quantique spécialement dédié à l'implémentation de cet algorithme pose de redoutables problèmes. Au cœur de l'efficacité de cet algorithme se trouve le fameux principe de superposition des états en physique quantique. Les qubits, qui sont des généralisations de bits classiques, sont portés par des variables de systèmes physiques comme des spins d'électrons, de photons ou des moments orbitaux dans des atomes. Ils peuvent prendre deux états, soit 0 ou 1, mais en quelque sorte simultanément du fait du principe de superposition des états. On peut montrer qu'en utilisant un nombre suffisant de qubits, tout se passe comme si on pouvait faire un très grand nombre de calculs en parallèle en faisant évoluer physiquement l'état des systèmes quantiques portant ces qubits. Sauf que l'état de superposition de ces systèmes est très fragile. Il l'est d'autant plus que le nombre de qubits est grand. Si on prend l'analogie d'un château de cartes, plus le nombre de cartes est élevé, plus le château risque de s'effondrer avant que l'on puisse faire quoi que ce soit. C'est dans le cas des calculs quantiques ce que les physiciens appellent le problème de la décohérence. Pour contourner ce problème qui se décompose en deux parties, il faut déjà trouver le moyen de réaliser un calcul avec un petit nombre de qubits, mais de sorte qu'il soit possible de montrer que la méthode soit, en théorie du moins, facilement utilisable sur un système de taille plus grande. Ensuite, il faut qu'on puisse également échapper au problème de la décohérence c'est comme le mot le plus facile du texte à date, proprement dit. Hein? Proprement dit. Un groupe de chercheurs vient donc de publier dans Science un article disponible sur Axiv dans lequel ils annoncent qu'ils ont réussi à résoudre la première partie du problème pour pouvoir un jour effectuer l'algorithme de Shor avec un grand nombre de qubits. Cet algorithme avait déjà été mis en pratique, mais les systèmes utilisés n'avaient permis de faire que des factorisations avec un petit nombre entier, donc n'importe quel universitaire pourrait facilement les réaliser, nous dit-on. En l'occurrence, rien n'a encore changé à ce niveau puisque les chercheurs ont simplement produit une factorisation du nombre 15. Cependant, la nouveauté réside dans le fait qu'ils ont réussi à le faire en utilisant que 5 qubits et avec des pièges à ions. À l'origine, l'algorithme de Shor supposait que le nombre minimum requis était de 12 qubits pour effectuer cette factorisation. Pourtant, en 1995, Alexis Kitaev avait montré qu'en modifiant cet algorithme, il était possible de descendre à 5 qubits. C'est cette forme modifiée qui est utilisée avec des ions de calcium 40 dans des pièges de Pol séparés de 5 microns et qu'on peut manipuler en utilisant un faisceau laser. En théorie, il ne devrait pas y avoir de problème pour augmenter la taille de ce système avec un plus grand nombre de pièges à ions et de lasers. Depuis, les calculs quantiques effectués avec de tels systèmes sont plus faciles à protéger des effets de la décohérence. C'est pourquoi ils sont intensément étudiés dans l'espoir de permettre d'obtenir un jour de véritables ordinateurs quantiques performants. Il ne faut pas oublier cependant que fabriquer un calculateur quantique, par exemple pour effectuer l'algorithme de Shor, n'est pas la même chose que de fabriquer un ordinateur quantique programmable pour effectuer n'importe quel algorithme. Il faut garder à l'esprit également que ces ordinateurs ne sont pas systématiquement supérieurs aux ordinateurs classiques. Cela n'est vrai que pour résoudre certains problèmes avec certains algorithmes. C'est un sujet très compliqué, hein, si vous voulez le relire, là, c'est sur assemblagerequis.com. Un modeste groupe de 30 neurones constitue une sorte de centre de contrôle de la douleur dans notre cerveau, et c'est ce que viennent de découvrir des chercheurs français. Une voie intéressante pour le futur traitement contre les douleurs chroniques. Donc ce serait 30 neurones qui pourraient calmer nos douleurs. Ce coup de marteau sur les doigts du bricoleur du dimanche a dû lui faire mal, nous dit l'article, mais il aurait eu encore plus mal si l'ocytocine, un peptide synthétisé par une région du cerveau appelée l'hypothalamus, n'intervenait pas très tôt dans les processus cérébraux, modulant la réponse douloureuse. De la contraction de l'utérus au moment de l'accouchement à l'éjection du lait maternel après la naissance, en passant par son implication dans la régulation des interactions sociales, de l'anxiété ou de la douleur, l'ocytocine est un messager essentiel, mais pour l'instant assez mystérieux. En effet, les mécanismes qui aboutissent à sa diffusion n'avaient jusqu'à présent pas été décryptés. Une équipe internationale de chercheurs coordonnée par Alexandre Charlet de l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives du CNRS s'est penchée sur le processus de libération d'ocytocine lorsqu'une douleur est perçue. Elle a découvert que... Alexandre Charlet? Elle? Que le centre de contrôle dans le cerveau qui coordonne la libération de l'oxytocine n'est constitué que d'une petite trentaine de neurones de l'hypothalamus. Leurs résultats viennent d'être publiés dans la revue Neuron. Lors de douleurs aiguës ou d'une sensibilisation inflammatoire, donc brûlure, pincement, coupure, l'information est acheminée par les nerfs périphériques jusqu'aux neurones de la moelle épinière. Ceux-ci interprètent l'intensité du message et le code en conséquence. L'information est alors adressée à d'autres neurones, parmi lesquels une petite population de 30 cellules de petite taille du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus, identifiée par l'équipe d'Alexandre Charlet. En retour, ils activent une famille de gros neurones, les neurones magnocellulaires, dans une autre région de l'hypothalamus qui libère l'oxytocine dans la circulation sanguine. Donc la cible, c'est les neurones périphériques, ceux qui sont disséminés dans le corps, qui continuent d'envoyer au cerveau le message responsable de la sensation douloureuse. L'oxytocine vient les endormir et de ce fait diminuer la douleur. Mais les 30 donneurs d'ordre ne s'arrêtent pas là. En parallèle, le prolongement de ces cellules, appelées axones, qui mesurent jusqu'à 1 mètre chez l'humain, atteint les couches profondes de la corne dorsale de la moelle épinière. C'est précisément à cet endroit où le message sensoriel est codé en intensité qu'il libère l'oxytocine. Il diminue donc par deux voies simultanées la reconduction du message douloureux jusqu'au cerveau. Les travaux de l'équipe ont donc permis d'expliquer la manière dont différentes populations de neurones à oxytocine se coordonnent afin de contrôler l'interprétation du message douleur par le système nerveux. La découverte de ce centre de contrôle analgésique est prometteuse dans le cadre du traitement des douleurs pathologiques. Cibler cette poignée de neurones permettrait en effet de limiter les effets secondaires d'un potentiel traitement. Pour l'heure, l'équipe continue de les étudier, cette fois pour découvrir leur application dans la libération de l'oxytocine permettant la lactation et certains comportements sexués. Et pour terminer, en fait, non. On arrête là pour Merci Science. Ouais, cool. Tout à l'heure, ce sera le Sigmar Geek CNX. Avant ça, on écoute Yermzee avec Moonhoax tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show. We'll be right back. êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Nicolas et Bitjam, précédé de Chrysalis World par Cat Nose, et avant la pause, c'était Moonhoax par Years. Lien sur rassemblagejockey.com si vous voulez télécharger ces MP3 là, ça se fait tellement bien et c'est gratuit. Puis moi, j'en écoute du chiptune, j'aime ça, vous avez pas besoin d'avoir honte. Hein. Maintenant, c'est le segment Geek Cynix. Vous pouvez avoir honte, mais continuez de le faire quand même, c'est mon cas. Donc, commençons en nouvelles, en fait, avec la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle à l'honneur au Tokyo Game Show 2016. Les détails ont été annoncés par le Computer Entertainment Suppliers Association et Nikkei Business Publications, les organisateurs de l'événement annuel du jeu vidéo le plus attendu au Japon, qui célèbre son 20e anniversaire cette année. Sous le thème Press Start to Play the Future, donc appuyer sur Start pour démarrer le futur, si on veut. ça dit, en fait, ça dit, le thème, c'est « Press start to play the future », et en japonais, si tu le traduis, ça donne « Le divertissement change, l'avenir change ». Cela est un jeu de mots. Les planificateurs souhaitent montrer à quel point les jeux vidéo ont désormais un impact sur le paysage de l'industrie du divertissement. De nouvelles zones sont réservées aux jeux de réalité virtuelle ainsi que les nouveautés démontrant les progrès de l'intelligence artificielle. La plateforme Oculus Rift occupe déjà de plus en plus de place au Tokyo Game Show depuis les dernières années et la réalité virtuelle a gagné en importance avec l'arrivée l'an dernier du PlayStation VR. Puisque ces casques intégreront le marché en 2016, leurs jeux seront certainement de la partie au prochain TGS. Les nouvelles plateformes liées au divertissement, mais plus ou moins aux jeux, auront aussi leur place dans une nouvelle section qui leur sera consacrée. On pourra y retrouver des lecteurs multimédia et des aperçus de services spécialisés dédiés aux joueurs voulant avoir une expérience avec leur équipement tout aussi distrayant que leurs jeux. La zone dédiée aux e-sports sera renouvelés et ces jeux prendront plus d'ampleur avec la démonstration de nouveaux titres et périphériques ainsi que des compétitions en direct. Des changements seront aussi apportés afin de promouvoir les développeurs indépendants ainsi que les jeunes entreprises internationales. Des startups de l'Europe de l'Est et de l'Amérique latine seront invités davantage à venir présenter leurs créations. Jusqu'à présent, aucun mot de la part des géants de l'industrie sur ce qu'ils planifient comme démonstration pendant les 4 jours de l'événement. Les entreprises qui désirent participer ont jusqu'à la fin mai pour demander un espace de démonstration. Il faudra sans doute attendre jusqu'à ce jour-là pour obtenir plus d'informations sur ce qu'envisagent présenter les acteurs de l'industrie, nous dit branchez-vous.com. Malheureusement, on ne peut pas s'attendre à voir Nintendo, dont la dernière participation au Tokyo Game Show remonte quand même à 2005, moment où Satoru Iwata y a dévoilé la Wii dans le cadre d'une conférence. Toutefois, avec les participations répétées de Sony, Microsoft, Square Enix, dépendant des gens, Capcom, Sega, Konami, Bandai Namco, Atlus et autres, on peut s'attendre à y voir les prochains Call of Duty, Dragon Quest, Persona 5, 3 nouveaux titres liés à Final Fantasy et Yakuza 6, pour en nommer que quelques-uns. Il est possible que Rise of the Tomb Raider et Gears of War 4 soient également de la partie. Comme chaque année, plusieurs jeux de toutes les consoles sous toutes formes seront sur place. L'espace réservé aux jeux mobiles, les kiosques de chaque éditeur grandit sans cesse avec la panoplie de nouveaux titres. Les programmeurs en herbe seront aussi nombreux à faire la démonstration de leur travail. Des douzaines de cosplayers et leurs photographes occuperont également une zone dédiée à eux. Et bien sûr, la marchandise sera aussi présente en quantité industrielle. Tokyo Game Show est aussi l'hôte des Japan Game Awards, les prix de l'industrie du jeu vidéo du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie au Japon. La période de nomination est présentement ouverte jusqu'à la fin du mois de juin. Avant le week-end de l'événement, le service de vidéo Nico Nico diffusera des émissions en japonais au sujet du Tokyo Game Show sur son site web dès le mois de juin. Et le site Tokyo Otaku Mode en fera de même en anglais pour les gens résidant à l'extérieur du Japon. Avec la montée en flèche de la diffusion des jeux vidéo en direct, on peut s'attendre de revoir les géants américains YouTube et Twitch faire leur visite et continuer leur aventure sur le marché japonais. L'an dernier, le Tokyo Game Show 2015 a battu son record de participation à des membres de l'industrie avec 480 entreprises et autres groupes présents sur les lieux. Le taux d'assistance avait aussi monté à 270 000 visiteurs, le deuxième plus gros nombre depuis 96, derrière son record de 270 197 visiteurs en 2013. Le Tokyo Game Show 2016 aura lieu au Palais des Congrès Makuhari Messi, dans la ville de Shiba au Japon, du 15 au 18 septembre. Maintenant pour les nouvelles du futur, à quoi pourrait ressembler le livre pop-up du futur? Voilà des années qu'on affirme que le numérique va finir par tuer le papier, nous dit le Huffington Post, mais si finalement le futur ce n'était pas le remplacement du livre par l'écran, mais l'alliance des deux. C'est une des voies envisagées par Google qui a déposé 2 brevets évoquant un livre pop-up amélioré grâce à la réalité augmentée. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, comme les livres animés actuels, souvent destinés aux enfants, lorsqu'on ouvre une page, des éléments en papier ou en carton s'élèvent et donnent du relief au dessin. À cela, Google aimerait ajouter une sorte de projecteur qui viendrait se clipser au milieu du livre sur la reliure, permettant de projeter de nouvelles images sur le papier. Sur les différents croquis du brevet, on peut voir qu'un haut-parleur sera aussi installé pour compter l'histoire et que des capteurs permettront de faire évoluer celle-ci en fonction des actions du lecteur. Un deuxième brevet déposé en janvier 2015, mais rendu public en mars 2016, donc récemment, évoque un format un peu moins révolutionnaire, notre Fast Company, un livre pop-up ayant pour arrière-plan une tablette, ce qui permettrait de rendre interactif certains éléments du décor. Peut-être un petit peu moins futuriste, mais quand même plus facile à réaliser. D'après moi, ça s'en vient pas mal. Un iPad que t'insères dans un livre pour ajouter de la variété, ça me surprendrait même pas. En fait, ça me surprend que ça n'existe pas déjà. Hein? Une simple imprimante à jet d'encre déjoue les capteurs biométriques. De plus en plus de smartphones sont équipés de lecteurs d'empreintes digitales qui permettent de déverrouiller le téléphone, un procédé une nouvelle fois remis en cause par une expérience impliquant une simple imprimante à jet d'encre. À entendre certains constructeurs, les capteurs biométriques qui équipent leur téléphone offrent une sécurité sans faille. Ces dispositifs pourraient même devenir assez rapidement un moyen de paiement. Le problème, c'est que les lecteurs d'empreintes digitales utilisés sur les smartphones sont tout sauf inviolables. Voilà. On se souvient des hacks impliquant des moules imprimés en 3D ou même ceux utilisant une photo dans des conditions très favorables. Cette fois, c'est grâce à une imprimante à jet d'encre qu'une équipe de chercheurs de l'Université du Michigan est parvenue à contourner les protections de téléphones Huawei et Samsung. Évidemment, il faut disposer d'une empreinte complète pour réaliser le piratage en question et même d'une encre, d'un papier bien spécifique, le tout dans le cadre d'une impression à haute résolution. Dans ces conditions, le Samsung Galaxy S6 et le Huawei Honor 7 n'ont pas résisté, contrairement à l'iPhone 5S d'Apple, dont le dispositif Touch ID semble plus robuste à ce genre d'attaque. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Ils dépensent plus d'argent sur la recherche à la place d'être cheap. Les chercheurs ont partagé leur expérience dans une vidéo que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. C'est ça quand tu payes moins cher. Des chercheurs américains ont réussi à leurrer le lecteur biométrique de deux smartphones Android haut de gamme en se servant de... Cette semaine, j'ai mal fait ma job de plaçage d'articles dans les chroniques, mais clairement, ceux-là, je les ai mis côte à côte par exprès. Des chercheurs nord-américains ont réussi à leurrer le lecteur biométrique de deux c'est pour ça que je les ai mis côte à côte, c'est le même article, bâtard. Moi qui étais en train de me vanter d'avoir fait ma job correctement, alors que c'est pas le cas du tout. On imprime des crêpes en 3D maintenant. En fait, on imprime des pancakes, qui, je crois, techniquement, n'est pas la même chose qu'une crêpe. Donc, pour imprimer des pancakes en 3D, il y a désormais une machine dédiée. Elle se nomme Pancake Bot et elle coûte 300$ et va assurément transformer votre déjeuner. La machine Pancake Bot n'est pas totalement nouvelle puisque les amateurs d'impression 3D qui se rendent dans les salons consacrés à ce type de technologie ont pu l'apercevoir ces dernières années dans ce genre d'événement. Seulement, ce qui n'était jusque-là qu'une fascinante démonstration pour les visiteurs devient désormais une machine dont on peut disposer chez soi. Pour 300$, qu'est-ce qu'on a? On dispose d'un appareil qui est clairement pas sans rappeler une imprimante 3D, à la différence qu'elle dispose d'une plaque de cuisson et d'un réservoir de pâte à pancake. La machine est collectée et s'utilise avec un programme nommé Pancake Painter qui permet de choisir le motif qu'on veut associer à sa nourriture. La machine fait ensuite le reste et adapte son rythme de dessin à la chaleur de la plaque pour que les traits apparaissent bien en fin de cuisson. L'utilisateur peut même lui-même réaliser ses dessins et même adapter une photo pour qu'elle soit reproduite à la machine, ce qui permet donc d'avoir des pancakes à son image. Compte tenu de la nature de la machine, on peut considérer que le résultat est plutôt réussi, nous dit Clubic.com. La question à se poser est de savoir si, au-delà du côté amusant et ludique d'avoir des pancakes avec de belles formes, il y a un intérêt réel à débourser de l'argent. C'est ce qu'on va voir chez le public. Donc, les pancakes à 300$ l'appareil, sans compter les frais d'envoi. Allez voir, c'est sur storebound.com, mais l'article est sur assemblagerequis.com. Est-ce que vous avez la bougeotte des fois sur votre chaise? Ça arrive. Vous pouvez vous servir de votre chaise dorénavant pour recharger votre smartphone grâce à la chaise Move qui exploite le principe de la piézoélectricité dont on parle souvent à l'émission. Et si la friction que produit votre corps sur votre siège de bureau est incapable de produire suffisamment d'électricité pour recharger votre smartphone, c'est l'idée de la Move. Pour l'instant, c'est un prototype développé par Nathalie Tugel, une designer qui a eu cette idée suite à des réflexions qu'on lui faisait souvent en raison de son hyperactivité. On disait « Reste assis! Arrête! » Elle a donc installé 288 cristaux piézoélectriques à l'intérieur des coussins d'un siège. Les cristaux se chargent en électricité lorsqu'ils sont compressés et frottés, et par conséquent, plus on bouge sur la chaise et plus on produit d'électricité. Une connectique USB située dans l'un des accoudoirs permet de brancher un câble pour recharger son téléphone. Une idée intéressante quand même qui n'a cependant pas vocation à être commercialisée car cette chaise s'avère être qu'un prototype. Donc voilà. Dommage, mais sûrement un jour, ça va venir dans le domaine. Dans le marché. Maintenant, le vélo bardé de technologie de la maison mère de Faraday Future. Le Echo, l'éditeur du Netflix chinois et l'actionnaire majoritaire du constructeur de voitures électriques Faraday Future, a récemment présenté un vélo bardé de nouvelles technologies qu'il a baptisé le Superbike. En plus de freins à disque et d'un cadre futuriste en carbone, le Superbike offre de multiples équipements dignes d'une voiture dernier cri. Pour commencer, il intègre un ordinateur de bord connecté. La potence arbore effectivement un écran tactile de 4 pouces abritant l'équivalent d'un smartphone Android. L'interface Bike OS maison offre les fonctions habituelles de compteur de vitesse et de cadence, ainsi que celles plus rares de compteur de fréquence cardiaque par le biais de capteurs intégrés au poignet et de guidage routier. Des boutons de part et d'autre des poignées permettent de régler le volume, de déclencher un avertisseur sonore ou d'enclencher des clignotants intégrés aux extrémités du guidon. Un autre bouton sur le cadre permet quant à lui d'allumer les feux intégrés, mais le capteur de luminosité de l'ordinateur de bord permet de les allumer automatiquement comme sur une voiture. Ils sont couplés à des lasers qui projettent des lignes rouges de part et d'autre du vélo pour indiquer la distance de sécurité latérale aux autres usagers de la route. On trouve ainsi un bouton P comme pour la position Park de la boîte de vitesse automatique d'une voiture. Il permet de verrouiller les antivols intégrés au vélo, et pour les déverrouiller, on peut utiliser le capteur d'empreinte digitale de l'ordinateur de bord. Exposé au CES puis au Mobile World Congress et repéré par les gens de chez Tom's Guide, le Superbike de Echo est déjà disponible en Chine où il est vendu l'équivalent j'ai seulement le montant en euros, je vais essayer de vous le traduire en instantané comme ça, environ 1178 $ canadiens. Ça se tient, ça? Devrait être commercialisé en Occident pour l'année 2016 à un prix inconnu. Rouler en moto sous la pluie avec un casque plein de gouttelettes n'est pas de tout repos et s'avère en plus dangereux. Et maintenant, il y a un gadget qui pourrait aider à remédier à la situation. C'est un essuie-glace détachable. RainPal est un accessoire qui peut intéresser bien des motards, en particulier en ces temps pluvieux. Hein? Il s'agit d'un essuie-glace amovible destiné à être installé sur un casque. Il dispose de vitesses réglables, mais également d'une petite réserve de liquide lave-glace, ce qui permet de nettoyer la visière du casque en cas de besoin. Dans l'ensemble, cet essuie-glace amovible tient les mêmes promesses qu'un modèle classique de voiture. RainPal fonctionne sur batterie et dispose d'une autonomie de 90 minutes en usage continu et à vitesse rapide, ce qui peut s'avérer plutôt court lors de longs trajets pluvieux, mais on peut cependant opter pour un balayage plus lent et doubler l'autonomie. Il est possible d'opter pour des batteries supplémentaires à changer. Le tout se charge en USB et pèse environ 150 grammes, ce qui alourdit le casque un peu, mais ça peut rendre service. Ce produit britannique est actuellement en cours de financement sur la plateforme que je ne connaissais pas, Fundraiser, avec un R-A-Z-R à la fin. Selon le modèle choisi, on peut aller entre 65 et 90 euros, 90 euros étant 132 $ canadiens pour en faire l'acquisition. Le projet vient d'être lancé, il faudra attendre le mois d'avril pour savoir si RainPal aura su convaincre suffisamment de motards pour que le projet se concrétise. Maintenant, on va à la salle de bain. Un miroir de salle de bain avec une télé intégrée n'est plus un appareil de science-fiction. Le Trinity Lighted Mirror TV le prouve. Par contre, mieux vaut avoir un portefeuille bien garni pour espérer en installer un chez soi. 4150 €, ce qui, évidemment, en dollars canadiens, est 6115 $ canadiens. Hein? C'est ce qui vous coûtera pour s'équiper d'un miroir de salle de bain de 106 cm de diamètre, embarquant un écran 16:9 d'une diagonale de 15,6 pouces, ou 40 cm. Pour ce tarif, sans taxes et sans frais d'envoi, évidemment, il faut les ajouter, vous aurez donc la possibilité de suivre l'actualité, une rencontre sportive ou tout autre programme télé en vous brossant les dents. L'écran intégré propose une image de 720p ou 1080i, dispose d'entrée HDMI et antenne, ainsi qu'un son stéréo qui sort de mini haut-parleurs bien caché dans le design du miroir. Ce dernier dispose également d'un cadre lumineux assuré par 5 ampoules fluorescentes fournies. Le tout est livré avec une télécommande waterproof, capable de résister à une chute dans la baignoire. Listé sur le site Fancy, le Trinity Lighted Mirror TV peut être expédié un peu partout dans le monde. Il faut quand même compter pas mal de temps et pas mal de dollars d'envoi. J'espère que ça a de la qualité comme produit. Ensuite, maintenant, on parle de iConductor qui met la composition de musique à la portée des handicapés moteurs. Composer de la musique pas au doigt mais à l'œil, c'est ce que promet le projet de iConductor, littéralement l'œil chef d'orchestre. S'il peut servir à n'importe qui, le projet iConductor se destine en premier lieu aux handicapés moteurs et il permet à des tétraplégiques d'exprimer leur créativité en composant et en jouant de la musique électronique. On connaît le physicien Stephen Hawking qui saisit du texte en regardant une lettre puis un mot et... Andreas Resgaard, un interaction designer danois, a transposé ce concept à la composition de musique électronique. Il utilise pour sa part un appareil de suivi oculaire, le iTribe Tracker, qui est danois lui aussi, et l'agrémente d'une technologie de reconnaissance des mouvements du visage à partir d'une caméra vidéo. L'utilisateur peut ainsi jouer des notes en regardant successivement les touches d'un clavier circulaire et ajouter simultanément des effets en faisant varier l'ouverture de sa bouche, par exemple. La solution inclut aussi un séquenceur qui permet de composer une rythmique en regardant les cases de tableau. En regardant les cases de tableau, on va dire ça comme ça. L'iConductor n'est encore qu'au stade de recherche, mais son concepteur espère lancer une application web au courant de 2016. Une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com, bien sûr. Parlant de handicap, Wikipédia développe un moteur de synthèse vocale pour aider les malvoyants. La fondation Wikimedia est actuellement en train de développer un moteur de synthèse vocale pour son encyclopédie. En parallèle de la sortie de sa nouvelle application pour iOS, la fondation Wikimedia développe actuellement un moteur multilingue en partenariat avec l'Institut Royal des Technologies, KHT. Voilà. Ce dernier sera optimisé pour Wikipédia, mais disponible en open source. Joachim Gustafsson, professeur des technologies de synthèse vocale, explique dans un communiqué que le projet a pour but de faciliter l'accès des contenus de l'encyclopédie Wikipédia auprès des personnes malvoyantes ou ayant des difficultés à lire. Monsieur Gustafsson ajoute que les premiers tests seront réalisés en Suède. Il ajoute, je cite, « Puis nous ferons une voix anglaise basique, laquelle devrait être plutôt bonne puisque nous disposons de plein de ressources linguistiques en open source. » Par la suite, les travaux seront portés sur une voix en arabe. La fondation Wikimedia estime que 25% des utilisateurs, soit environ 125 millions de gens par mois, préfèrent ou ont besoin d'un dispositif vocal pour la lecture des textes. Ces premiers tests devraient être finalisés en septembre 2017 et seront suivis d'autres travaux pour les autres langues. Le service sera proposé gratuitement. On retourne aux jeux vidéo avec la 3D NES, un émulateur qui transforme les jeux vidéo de la NES en 3 dimensions. Donc 3D NES, un émulateur en ligne qui propose de convertir les jeux issus de la console NES de Nintendo en jeux 3D. Le résultat est quand même assez prometteur, bien que le service ne soit disponible qu'en bêta pour l'instant. Les émulateurs de jeux de NES sont nombreux, mais 3D NES est particulièrement différent de ce qu'on peut trouver sur Internet parce qu'en développement depuis janvier, chez G-Odd Studio, cet émulateur propose de convertir les jeux en 2D de la console NES en jeux 3D. Il ne faut pas s'attendre à passer en mode first-person shooter, comme on a déjà vu en décor pixelisé. On a déjà vu des jeux vidéo recréés dans des jeux en 3D. Ici, l'émulateur se concentre principalement sur l'acquisition d'une profondeur dans des environnements qui sont plats à la base. On va les étirer si on veut. Donc, le gameplay des jeux ne change pas, mais l'algorithme mis en place dans l'émulateur est capable d'analyser les différentes couches des environnements pour transformer les éléments adéquats en objets 3D. Comme le montre une longue vidéo de présentation sur assemblagerequis.com, c'est pas sans faille, mais ça offre une nouvelle perspective sur des jeux vintage. Cependant, la bêta actuellement proposée s'avère avoir de nombreuses limites. Elle ne fonctionne que sur Firefox avec un plugin Unity. Pour faire fonctionner certaines ROM, c'est assez difficile. Engadget considère l'expérience laborieuse, mais certaines ROM, comme celle de Super Mario Bros., peuvent accéder à un résultat quand même assez fidèle. Donc pour l'instant c'est une bêta, GL Studio compte largement améliorer dans les prochains mois cette bêta, un projet à suivre donc pour les plus nostalgiques. C'est disponible sur TruckTV, donc tructv.bitbucket.org/3dnes, mais évidemment le lien est sur assemblagerequis.com. Serait-il prochainement facile ou possible de regarder un film tout juste sorti en salle directement dans le salon? C'est ce que promet, ou en tout cas espère, Sean Parker, cofondateur de Napster et anciennement président de Facebook. À l'heure actuelle, la chronologie des médias impose des délais entre la mise en salle d'un nouveau film et sa disponibilité sur les services de vidéo sur demande. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le piratage perdure et les projets de type Popcorn Time ne s'éteindront sûrement jamais, même s'il y en a un qui ferme, il y en a un autre qui ouvre plus tard. Mais le cofondateur de Napster veut changer la donne avec une nouvelle start-up. Ça s'appelle The Screening Room. Ça souhaite effectivement faire pression sur les studios hollywoodiens pour casser le modèle actuel. L'homme entend commercialiser auprès des consommateurs un boîtier aux alentours de $150, ce qui permettrait précisément de diffuser les toutes dernières productions dès le jour de leur sortie en salle. Chaque titre pourrait alors être loué pour $50. Pour convaincre les producteurs, Sean Parker souhaite se montrer généreux avec ces derniers. Sur chaque diffusion, il renverserait ainsi $20. En outre, l'utilisateur ayant dépensé $50 pour la lecture d'un film dans son salon bénéficierait gratuitement de 2 places de cinéma, des revenus qui profiteraient également aux studios. Avec The Screening Room, Sean Parker souhaite rémunérer les distributeurs en leur reversant également $20 sur le prix d'une location. La startup conserverait seulement $10, mais il faut bien commencer quelque part parce que pour vrai, c'est un engrenage assez compliqué. Là. On parle de cinéma hollywoodien, les règles sont là depuis des décennies et c'est difficile de les casser. Donc, il faut faire quelque chose d'assez drastique. Pour mener à bien son projet, Sean Parker a fait appel au service de Jeff Blake, anciennement responsable du marketing et de la distribution chez Sony Pictures. Un premier accord pourrait prochainement être finalisé avec le groupe média AMC. D'autres se montreraient intéressés selon le magazine Variety, entre autres Universal, Fox et Sony. Mais quelques questions subsistent, oui, notamment sur le fait que The Screening Room souhaite bénéficier des droits exclusifs. Reste à savoir si ce projet verra bien le jour et réussira à enrayer le piratage. Quoi qu'il en soit, on n'est pas prêt d'obtenir une diffusion simultanée à l'international. Aux États-Unis, le service Prima Cinema a déjà mis en place un dispositif similaire avec toutefois des tarifs plus élevés pour des séances à $500, mais surtout un boîtier à $35,000. Donc on voit que The Screening Room est un petit peu plus réaliste. Peut-être avez-vous entendu parler de ce sujet, mais moi, il m'intrigue. Pour éviter toute forme de vol dans ses entrepôts, Amazon diffuse des clips d'anciens employés pris en flagrant délit. Le cybermarchand Amazon regorge de produits sur son catalogue et le site est devenu incontournable pour qui ne souhaite pas traverser la ville pour se rendre dans un magasin bondé et faire la queue en caisse. Mais tout n'est pas rose dans les entrepôts de la société, nous dit Klubik. Une nouvelle forme de pression subie par les employés a été découverte. On sait, dans les entrepôts d'Amazon, le rythme est particulièrement soutenu. Chaque année, peu avant les fêtes de fin d'année se traduiront inévitablement par un pic de commandes sur le site, on a droit à un nouveau documentaire décrivant les conditions de travail très strictes des employés. Mais toujours dans l'optique d'être plus rentable, il semblerait que la firme de Jeff Bezos multiplie les formes de pression sur ses salariés. En effet, selon le magazine Bloomberg, dans ses divers entrepôts, Amazon diffuse des vidéos d'anciens employés prises en flagrant délit de vol. Il n'est pas possible d'identifier les silhouettes affichées sur l'écran de télé, mais la firme dévoile la nature de l'objet volé, son prix et la manière dont l'employé a été arrêté. On apprend par exemple que pour les gros colis, ces personnes ont modifié les adresses de livraison avant de quitter l'entrepôt. Pour les plus petits, ils sont dissimulés dans des chaussettes. Selon divers salariés actuels ayant pu voir ces vidéos passer en boucle, les voleurs s'intéressent de manière générale à tout type d'objets, qu'il s'agisse de DVD, de briquets, de iPad, de bijoux, de maquillage, de jeux vidéo ou encore de fours à micro-ondes. Interrogé par Bloomberg, James McCracken, ayant précédemment travaillé dans l'un de ses entrepôts, affirme « C'est une manière bizarre de faire peur aux gens. Je trouve ça offensant », dit-il. Rappelons toutefois qu'en octobre 2015, Amazon avait ouvert une enquête en interne pour connaître la proportion de salariés qui détestent leur travail et les raisons pour lesquelles ils ne se sentent pas bien. Ce programme baptisé Amazon Connections permettait à chacun de partager ses opinions sur ses conditions de travail. Je crois que ça existe encore. Le lien je sais pas. Reste à savoir si la société sera trouvée les bonnes stratégies pour redorer son image un jour. Toujours au Japon, on envoie les jeux vidéo dans le monde entier maintenant. Désormais, le site japonais du géant du commerce électronique Amazon livrera les jeux vidéo en provenance du Japon vers les autres pays du monde. Une bonne nouvelle pour certains joueurs qui aiment commander des jeux en importation. Les fans de jeux vidéo pourront bientôt acquérir des titres comme Dragon Quest Builders, Fire Emblem Fates ou encore Dead or Alive Extreme 3, qui n'étaient jusqu'à présent disponibles qu'au Japon. C'est d'autant plus intéressant que les consoles les plus récentes comme la PlayStation 4, la PlayStation 3, la PS Vita, la Xbox One ou la Nintendo DS peuvent lire les jeux PAL et NTSCU comme les jeux du Japon NTSCJ sans distinction. C'est nouveau ça. Donc si vous lisez le japonais sans problème, vous pourrez profiter des titres réservés jusqu'à aujourd'hui au japonais. Et si vous avez ce qu'on appelle l'Internet, vous allez pouvoir vous fier sur Internet pour traduire les trucs pour vous. Amazon Japon permet également de commander des consoles de jeux. Donc si vous disposez de titres importés ou si vous souhaitez jouer avec des jeux japonais, vous pouvez vous faire livrer une PlayStation 2 ou une Xbox 360 ou encore une Nintendo Wii depuis le Japon et lire les jeux qui là, à ce moment-là, étaient seulement pour la console japonaise. Notez que seuls les articles vendus directement par Amazon.co.jp sont concernés par la livraison internationale. Les articles vendus par des tiers, eux, sont exclus, donc il faut faire attention. Pour profiter de cette nouvelle possibilité, il faut vous créer un compte sur la version japonaise d'Amazon. Vous cliquez sur le menu. Dans le menu, il y a le mot, en fait l'expression « in English » sur la barre de recherche. Et là, vous allez pouvoir naviguer sur le site de vente japonais, mais en anglais, ce qui est pas mal plus intéressant que de commander avec le texte japonais. Avez-vous entendu parler de Arcade Montreal qui va venir remplacer l'Exit Bar et Spectacle en avril? Les porteurs du projet Arcade Montréal viennent d'annoncer que le premier bar montréalais spécialisé dans les bornes d'arcade aura pignon sur rue à l'adresse de l'ancien Café K.O. En avril prochain, les adeptes de jeux vidéo pourront ainsi se donner rendez-vous au 2031 rue Saint-Denis à côté du pub ludique Randolph pour jouer à Centipede, Mortal Kombat, Miss Pac-Man, Terminator 2, Judgment Day, Street Fighter 2 et une dizaine d'autres bornes d'arcade gratuitement selon un prix d'entrée fixé à 5$. C'est ce qu'a confirmé la page Facebook d'Arcade Montréal. C'est Arcade MTL, dont les fondateurs organisent déjà depuis plusieurs mois des soirées centrées sur les jeux vidéo rétro. C'est de là que j'en ai entendu parler par leur page Facebook de soirées rétro. Comme le rapportait Canoë le mois dernier, le trio formé de Dominique Bourret, Martin Hébert et Élie Rodrigue ont ainsi finalisé l'acquisition de 50% des parts du bar installé depuis un an dans le quartier latin. Aujourd'hui, on apprenait récemment que le bar en question était donc l'Exit Bar et Spectacle, qui fermera ses portes sous peu pour laisser place à sa transformation. Nous dit branchez-vous.com. Alors que le règlement municipal interdit l'exploitation de bornes d'arcade payantes à l'utilisation dans un endroit détenant un permis d'alcool, ces machines peuvent être installées dans un bar à condition que celles-ci puissent être opérées gratuitement. Un détail qui avait d'ailleurs échappé aux responsables municipaux avec qui Arcade Montréal avait communiqué au début du projet. Montréal explore toutefois la possibilité de modifier le règlement à la fin de l'année 2016. Mais pour les cofondateurs, Dominique Bourret, le cofondateur, il n'est pas question de changer la formule établie advenant un changement à ce règlement. Donc même si on changeait le règlement, ça resterait un prix d'entrée ou un prix d'alcool, ou peu importe, et les jeux gratuits de façon illimitée pour pouvoir changer de jeu sans cesse, sans avoir à se ruiner, ce qui est vraiment une excellente idée. Je cite, « Ce n'est pas notre intention, on a toujours voulu avoir des machines gratuites, on veut que les gens puissent jouer. » Nintendo parlant de jouets, aura son parc d'attractions dès 2020. Fin janvier, le grand patron de Nintendo, Tatsumi Kimishima, annonçait les plans de Nintendo pour l'avenir. Arrivé sur mobile, NX et surtout développement sur les franchises de Nintendo pour toucher un public toujours plus large. Ce qui passerait prochainement par l'arrivée dans les parcs d'attractions de Universal Studios d'une zone entière dédiée à Nintendo. Et la première ouvrira ses portes dès 2020. Donc, un parc d'attractions Nintendo, tout le monde en rêve, presque. Mais ça coûte cher, nous dit jeuxvideo.com, et c'est une activité plutôt risquée. Alors, Nintendo a préféré s'allier à Universal Studios, et dans un avenir proche, certains parcs du géant du cinéma accueilleront une zone Nintendo où seront concentrés tous les mondes et personnages de Big N, en tout cas les majeurs. Selon le site japonais Sankei, les discussions iraient bon train et la première zone Nintendo ouvrirait ses portes aux touristes de 2020 pour coïncider avec les Jeux olympiques qui auront lieu cet été-là à Tokyo. Donc, on parle d'un parc japonais. De menus de travaux dont les coûts s'élèveraient à 365 millions de dollars américains. Donc la même zone, la même somme dépensée environ pour l'ajout d'une zone Harry Potter à Osaka ont déjà été planifiées, comme le laisse comprendre une petite image sur assemblagerequis.com. Donc c'est un plan. La zone Nintendo occuperait tout de même un espace pas négligeable. Allez voir ça sur le site. Les pauvres Nord-Américains que nous sommes devront attendre pour peut-être espérer voir ça un jour. Ça va être une exclusivité japonaise. Pas mal ça pour les détails, finalement. Ensuite, je vais sauter quelques articles, entre autres celui sur Facebook qui brevette la détection des termes argotiques, donc de l'argot. Allons-y avec, celui-là m'intéresse pas mal et je crois que c'est une nouvelle que vous devriez connaître. Fermer les applications sur votre iPhone pour économiser de la batterie ne sert à rien, selon tout le monde, en fait. Selon à peu près tous les articles que j'ai lus et les gens chez Apple en tant que tel. Si Apple a su démocratiser une nouvelle interface pour le téléphone, la société n'a pas réussi à casser le vieux réflexe consistant à systématiquement fermer une application en arrière-plan. Pour beaucoup, le multitâche du système d'iOS rappelle la barre des tâches de Windows, donc ils l'aperçoivent comme un endroit permettant de prendre connaissance des applications exécutées en arrière-plan. Alors, logiquement, par peur de saturer la mémoire vive, de consommer trop de ressources sur ce processus et donc pour économiser de la batterie, certains mobinautes ont tendance à vouloir fermer toutes les applications mobiles. Toutefois, sur iOS, ce processus ne serait d'aucune utilité et face aux nombreux débats sur le sujet, un internaute a décidé de poser directement par courriel la question à Craig Federighi, qui est responsable du développement du système mobile d'Apple. Face aux questions « Quittez-vous fréquemment les applications du gestionnaire d'iOS et cela est-il nécessaire pour préserver la batterie? » L'homme a répondu très brièvement avec, et je cite, « Non et non. » Sur l'une de ses pages de support, donc soutien, Apple affirme, et je cite, « De manière générale, il n'est pas utile de forcer la fermeture d'une application, sauf si cette dernière ne répond pas. » Mais la réponse n'est pas si simple que ça. Une application de GPS, par exemple, ou encore un lecteur de musique peut continuer à fonctionner en arrière-plan. Mais le problème peut aller plus loin. Récemment, des mobinautes ont découvert que l'application de Facebook est continuellement activée en arrière-plan et consommerait jusqu'à 15% de l'autonomie de la batterie. Donc quand même, il y a des raisons de le faire, mais pas systématiquement sur chaque application. Voilà qui est dit. Maintenant, pour les jeux les plus loués en club vidéo, top 10 à 6. 10, on va le faire au complet. 10, c'est Grand Theft Auto 5 sur la PS4. 9e, Super Mario All-Stars sur la Wii. C'est super, super un rétro comme jeu. Et 2, la sortie du... je crois qu'il est passé en Classics. Il coûte moins cher. Moi, je l'ai payé super cher parce que c'était une... Il y avait très peu de copies de disponibles à l'époque quand c'est sorti. Puis là, ils ont fait un classique de ça, genre à 20$ ou je sais pas quoi, 25$. Peu importe, ça a fait un monté, tout ça, mais ça fait que ceux qui ont payé cher pour se sentent un petit peu tristes. Mais bon. 8e place, Donkey Kong Country Tropical Freeze sur la Wii U. En 7e, Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. En 6e, Fire Emblem Fates Birthright sur la 3DS. En 5e, Far Cry Primal sur la Xbox One. En 4e, Far Cry Primal sur la PS4. En 3e, Legend of Zelda Twilight Princess The HD Collection sur la Wii U. En 2e, Tom Clancy's The Division sur la Xbox One. Et en 1ère, c'est Tom Clancy's The Division sur la PS4. Voilà. Prenons la pause qu'on était supposé prendre à demi, un petit peu de retard. On écoute Pixel Fox. Voici Nostril MPS, le Mathieu Planche Show. Ah, c'est fou! direct sur le web. Vous êtes à Cifou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cifou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. MC Jimmy avec Story Unwritten, chanson thème d'un futur jeu qui s'appelle Overquill, Q-U-I-L-L. En fait, on voulait une légende raconter, quelque chose qui évolue, qui se mélange, qui mène jusqu'à la fin de la chanson, la fin qui, elle, joue en boucle sur le générique d'ouverture du jeu Overquill. Ça commence rétro avec un son 8-bit, ensuite ça devient plus moderne avec chaque section qui joue. C'est fabriqué dans Milky Tracker, sauf pour la dernière partie qui a été enregistrée, je crois, à la vraie guitare par MC Jimmy. Il dit « Last part I recorded ». D'accord. Donc, Panashock Games pour le site web. Avant ça, avant la pause, c'était Nostril par Pixel Fox. C'est joué sur Game Boy Color avec LSDJ. Voilà, toujours Mathieu Planchot. Maintenant, c'est la collection, c'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait Tech Edition! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait Tech Edition! C'est un fait Tech Edition, c'est la chronique dans laquelle on revient dans le passé pour voir ce qui s'est passé à travers l'histoire. Commençons en 1896, Henri Becquerel qui a découvert des images de roches d'uranium qui étaient apparues sur des plaques photographiques sans être exposées au soleil. C'est là qu'on a découvert la radiation naturelle. En 1995, un petit peu plus d'un an après avoir démarré le site web, en janvier 1994, Jerry Yang et David Fallow ont incorporé Yahoo. En 1995. En 2006, la version anglaise de Wikipédia est arrivée à son millionième article, Jordan Hill Railway Station. Ensuite, en 1983, CBS Records a lancé le premier disque de musique majeur, le premier compact disque, en fait, pour une campagne promotionnelle. C'était la première campagne promotionnelle pour un disque majeur compact. Bref, ils ont lancé 16 titres. Le CD a été vendu pour la première fois au mois d'octobre précédent au Japon. Voilà. Première fois au public. En 2004, le site de critique Engadget a été lancé avec un billet sur T-Flash, une nouvelle carte mémoire, un nouveau format de carte mémoire lancé. À l'époque, le site a été lancé pour la première fois par Peter Rojas. Voilà. En 2010, le Federal Constitutional Court of Germany a rejeté une législation qui aurait demandé à ce que le trafic de données électroniques, de communication, que ça soit gardé pendant 6 mois. C'est ça. Est-ce que c'est ça? C'est de la comprendre, celui-là, quand même. Le 3 mars, en 1847, à Edinburgh, en Écosse, un expert en physiologie vocale et en élocution a accueilli son nouveau fils, en fait, au monde. Il était nommé Alexander Graham Bell, en hommage de son père. Et puis plus tard, il est devenu synonyme du téléphone. En 1885, l'American Telephone and Telegraph Company a été incorporé dans l'État de New York. Donc c'était une sous-compagnie de American Bell Telephone. Évidemment, American Telephone and Telegraph Company, c'est AT&T, ça. C'est ça? Oui. En 1966, la BBC a annoncé ses plans. Ils allaient commencer à diffuser des émissions en couleur à la télé l'année suivante. C'est devenu le premier diffuseur européen à fournir des diffusions régulières en couleur. Le 4 mars 2000, la Sony PlayStation 2 a été lancée au Japon pour la première fois. En 2007, le jour des élections a eu lieu en Estonie, en Lettonie. Ah oui, c'est ça, attends un peu. C'est toujours ma pire chronique côté traduction. En Estonie, oui, c'est ça, Estonie. Donc pour la première fois dans le monde, les gens pouvaient voter par Internet. Environ 30 000 personnes ont profité de ce vote électronique. On devait compléter ça 3 jours avant la tenue des élections en version papier, donc en 2007. Le 5 mars, en 1975, Lone Brew Computer Club a eu sa première réunion dans le garage de Gordon French à Menlo Park, en Californie. 32 personnes se sont présentées pour cette première réunion. John Draper, Steve Wozniak et Steve Jobs étaient certains des membres les plus célèbres de ce club, Homebrew Computer Club. Le ZX81, un ordinateur, a été lancé par Sinclair Research en Grande-Bretagne pour 69,95 $. On a vendu plus de 1,5 million d'unités à travers le monde. Beaucoup plus de succès que le prédécesseur qui était le ZX80. Le 6 mars, en 1992, le premier virus d'ordinateur qui a été hypé ou qui a créé le buzz dans les médias, c'était Michelangelo. C'est un virus dans le boot sector qui a commencé à affecter les ordinateurs partout dans le monde. Donc c'est ça, premier virus aidé par les médias. En 2012, Google a consolidé ses magasins en ligne, donc le Android Market, le Google Books Store, Google Music Store et Google Video Store en un seul magasin nommé Google Play. Ça, c'était en 2012. Le 7 mars, en 1876, Alexander Graham Bell a reçu un brevet américain pour ce qu'on appelle Improvement in Telegraphy. C'est le brevet numéro 174465. Ça établissait le principe des signaux bidirectionnels. Donc, c'est ce qui a rendu le téléphone possible. C'était en 1876 qu'on a eu le brevet. Parlant de téléphone, en 1926, le premier appel téléphonique transatlantique qui a été réussi a été placé entre New York City et Londres. Le service transatlantique a commencé l'année suivante à $75 par minute. En 1994, la Cour suprême nous a appris que la parodie de Two Live Crew d'une chanson de Roy Orbison, Oh Pretty Woman, était fair use. Donc on pouvait l'utiliser vu que c'était une parodie, ça ne violait pas un copyright. Donc ça a assuré évidemment toutes les autres parodies qu'il y a eu par après. C'était en 1994. Le 8 mars 1955, Doug Ross a fait la démonstration de son... Non. On vient en 1978, le premier épisode radio de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy par Douglas Adams. Adams a été transmis l'épisode sur BBC Radio 4. Certains disent que Adams a accidentellement prédit dans cette émission radio l'assistant numérique personnel et le téléphone intelligent. En 1979, Philips a fait la démonstration en public d'un prototype d'un disque audio numérique optique à une conférence de presse nommée Philips Introduces Compact Disc. Donc, on a parlé un petit peu tantôt de disques compacts. En 1979, c'était la première démonstration de ces disques compacts. On va y aller avec le 9 mars maintenant. Allons-y, ça va être le dernier pour aujourd'hui. En 2015, Apple et HBO annonçaient un nouveau service de streaming sur Internet seulement, donc nommé HBO Now. qui allait être lancé en avril, exclusivement sur les produits Apple, incluant le iPhone, l'iPad et l'Apple TV. Apple avait aussi annoncé l'Apple Watch à ce moment-là, qui allait arriver le 24 avril. Ça, c'était en 2015. Voilà, c'est tout pour C'est un fait, Tagadation, sur assemblagehockey.com pour avoir plus de détails. Et ça va nous amener à la fin de cette émission du Mathieu Plante Show. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à 14h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Et au Palmarès C'est Fou les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados de fusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Bye bye!